Latino. Mardi 23 janvier, bonjour et merci d'avoir choisi Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. La Banque centrale tranquillise les passagers dans les bus de transport en commun. Le stock de pièces de 5 francs et de 10 francs burundais sont suffisants. C'est après les grognes de ces passagers quant à la monnaie à rendre sur le prix du ticket de transport. Dans ce journal, vous entendrez en cadre de la Banque de la République du Burundi. Après que 5 enfants aient été torturés à Gitega, Bubanza et Kanyosha, le psychothérapeute Hippolyte Manirakiza du centre neuropsychiatrique de Kamenge parle d'une situation qui dépasse l'entendement. L'heure est à changer certains comportements, dit-il. Deux communiqués de deux commissions électorales nationales et communales à Rumonge posent problème quant aux dates limites de dépôt des candidatures des agents recenseurs. Vous l'entendrez dans ce journal et dans la chronique santé de ce mardi. Le néphrologue Sylvain Pierre Nzeimana nous parlera du traitement d'un problème rénal qui nécessite le recours à une dialyse. Les détails, c'est dans ce journal mis en onde par Aimé Toussaint Mitebouti. À la présentation, Mireille Kanyange. Bienvenue. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour. Le directeur général du centre neuropsychiatrique de Kamenge a appelé les instances habilitées à travailler ensemble en vue de faire changer certains comportements des gens qui s'observent aujourd'hui. Le psychothérapeute Hippolyte Manirakiza réagit après qu'un enfant ait été poignardé par sa mère à Bujumbura, accusé d'avoir fait cramer de la nourriture, et deux enfants qui ont été enterrés vivants en province Bubanza et deux autres en province Gitega, accusé d'avoir volé des épis de maïs. Pour lui, c'est une situation qui dépasse l'entendement, mais d'ores et déjà, ses comportements ont des racines dans des temps lointains. Suivez-le au micro de Léonce Vitalio. Nous sommes conscients que nous avons beaucoup vécu des situations difficiles de violence depuis des années. Et jusque maintenant, c'est tout un comportement qui change et qui cause même ces genres de violence. Je peux m'imaginer si on essaie de comparer, prendre juste une balance et mettre maintenant à côté, ici à droite, mettre juste deux maïs et à droite, mettre une vue d'une personne. Si on parvient maintenant à estimer la valeur d'un objet ou de deux maïs et mettre juste à la même hauteur de valeur à une vie humaine, je pense que là c'est très grave encore. C'est très grave parce que je ne peux pas m'imaginer comment quelqu'un peut être tué parce qu'il a volé deux maïs ou parce que, je ne sais pas, il a fait quoi. Juste une simple chose, il faut que cette personne parte absolument ou il faut que je coupe les bras. C'est incroyable. Je peux dire que même si on n'a pas encore fait des études, ça peut être une déviation ou un problème psychologique ou une maladie mentale, mais aussi longtemps qu'on n'a pas encore fait des études, il est très difficile de dire, de qualifier ce cas-là de violence. Est-ce que c'est une maladie mentale? C'est quoi au juste? On ne sait pas encore. Et ce que je peux seulement demander, d'ailleurs on avait déjà pensé, d'approcher ces gens qui ont fait ces crimes-là, et alors faire une sorte d'une analyse avec eux, et éventuellement les antécédents, parce que c'est à travers les antécédents qu'on peut maintenant comprendre pourquoi cette personne se comporte comme ça. C'est à travers les antécédents. Quand on parle d'antécédents, ça peut être des antécédents familiaux, ça peut être des antécédents scolaires, ça peut être des antécédents professionnels, tout ça, mais il faut absolument qu'il y ait cette étude qui nous permettra vraiment de pouvoir orienter des stratégies de prévention ou de prise en charge. J'ai interpellé d'ailleurs les instances habilitées ou toute personne responsable de pouvoir prendre ces cas au sérieux et éventuellement orienter. Quand je dis orienter, je ne voudrais pas dire vraiment qu'il fallait le mettre en prison, tout ça. Peut-être que, oui, ça plus tard, mais il fallait d'abord contacter les thérapeutes qui pourraient donner une orientation par rapport à l'état de santé mentale de cette personne. Le psychothérapeute Hippolyte Manirakiza, directeur général du centre neuropsychiatrique de Kamenge. Page de sécurité de ce journal. Un enfant a tué deux autres blessés. Tel est le bilan d'une explosion d'une grenade hier soir à la colline Samwe de la commune Rugombo en province de Cibitoke. La famille de ces enfants dit que ces derniers avaient trouvé deux grenades dans un champ. Arrivés à la maison, ils ont joué avec ces armes avant que l'une d'entre elles n'explose. Les deux blessés ont été directement évacués vers un des hôpitaux de la capitale Bujumbura. Et la police à Rugombo sensibilise les habitants de cette commune d'alerter la police chaque fois que l'une ou l'autre personne tombe sur quelque chose d'inquiétant. Parlons à présent, après une courte pause, on revient pour poursuivre ce journal. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 13h01 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons ce journal. Des conséquences néfastes ont été générées par la mesure du gel des annales et des indemnités de primes conjointement prises par le gouvernement burundais et la Confédération des syndicats du Burundi. Tel est le sujet au centre du débat entre le deuxième vice-président de la République et la Confédération des syndicats des travailleurs du Burundi, COSIBU. Le vice-président de la COSIBU indique qu'ils ont demandé au deuxième vice-président de la République que cette mesure soit annulée. Célestin Sabimana précise que cette mesure aura une certaine incidence sur la vie des fonctionnaires. Je vous prie de le suivre. D'abord, remercie monsieur le deuxième vice-président pour nous avoir reçus et surtout nous donner le temps nécessaire d'exposer nos doléances et les préoccupations des travailleurs, les conséquences néfastes qui ont été générées par la mesure du gel des annales et des indemnités primes conjoncturelles prises par le gouvernement depuis le 1er janvier 2016. On a beaucoup échangé en toute franchise. Je dirais qu'il n'y a pas eu une grande avancée puisque nous réclamions que cette mesure soit purement et simplement annulée. Même dans le statut général des fonctionnaires, si tu es bien noté, il y a un pourcentage d'augmentation annuelle que tu as cité, noté moyennement, c'est bien précis. Alors ça, on ne peut pas revenir là-dessus sans concertation. Il y a d'autres primes que je ne cite pas, c'est ça qu'on demandait, que cette mesure, comme l'a admis le gouvernement lors de la médiation, cette mesure soit revue et annulée. Depuis des ans, certains travailleurs ne bénéficient plus de l'augmentation salariale. Quelle est la conséquence pour les travailleurs? Les conséquences sont beaucoup et énormes. Donc, il y a perte de revenus. Les gens touchent le salaire de 2015. La monnaie se déprécie. Les 3% d'augmentation annuelle. Et entre guillemets, c'était pour pallier à l'inflation annuelle. Tu vois, il y a dépréciation monétaire, il y a montée des prix. Les primes à la notation, aussi c'est pour l'évolution de la carrière du travailleur. Alors maintenant, il n'y a pas cette annale de 3%, il n'y a pas cette prime de notation. Le travailleur, il est stationnaire. Je ne vous dirai pas l'incidence que ça a sur les pensions. C'est lui qui va en pension. Si son salaire augmente, la cotisation augmente, il aura une pension consistante, entre guillemets. En page politique, je vous l'annonce en titre de communiqué, celui de la CENI et celui de la SECI fixant les dates et limites de dépôt des candidatures pour les agents recenseurs. Désoriente les postulants à Rumonge, c'est au sud du Burundi. Celui de la Commission électorale nationale indépendante CENI parle du 24 janvier courant, alors que celui de la Commission électorale communale indépendante CECI fixe la date limite au 21 janvier, alors que les deux communiqués sont affichés côte à côte au bureau de la CECI Rumonge. La CEPI tranche, elle indique que la date limite est celle fixée par la CENI le 24 janvier courant. Les détails avec Jean-Pierre Misago. Les postulants pour agents recenseurs pour le prochain vote pour ou contre la révision de la constitution au Burundi ont trouvé les portes fermées, du moins au bureau de la CECI Rumonge, ce lundi. Deux communiqués y sont affichés côte à côte. Le premier, visiblement le plus ancien, est celui de la CENI. Il stipule que la date limite de dépôt des candidatures au poste d'agent recenseur est fixé au mercredi 24 janvier courant à 15h. Au-dessus de celui-ci, un autre communiqué, cette fois-ci de la CECI Rumonge. Ce dernier, que le président de la CECI Rumonge a signé le 19 janvier courant, stipule que le dépôt des candidatures a pris fin ce dimanche 21 janvier courant à midi. Les postulants rencontrés sur place, regrettant tout leur temps et argent dépensé pour la confection de leur dossier, se demandaient comment une telle date peut être modifiée sans être communiquée sur la voie des ondes. Il demande à la CENI de faire respecter la date limite du 24 janvier courant telle qu'elle est là fixée. Sans préciser le motif de cette modification par la Cécile Mongué de la date limite de dépôt de ses candidatures, Léopold Nyonganji, président de la Cépiru Mongué, dit que cette date reste maintenue au 24 janvier courant à 15h, indiquant que les membres de Cécy et de Cépi à Rumongué sont pris par une formation de 2 jours à compter de ce lundi à Makamba. Jean-Pierre Misago de Rumongué, Radio Isanganiro. À 13h06 minutes dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons ce journal par la rubrique économie. La Banque de la République du Burundi ne connaît pas de rupture de stock des pièces de monnaie de 50, 10 et 5 francs burundais. La déclaration est du responsable du service d'analyse fiduciaire de la circulation et de l'émission monétaire à la BRB. Au cours d'une conférence de presse ce mardi, Clément Boutoke a indiqué que les consommateurs se font voler s'ils acceptent de laisser les 20 francs au ticket de bus de transport en commun à mairie de Bujumbura. Le stock étant suffisant et disponible, la Banque centrale promet de retravailler le circuit de distribution de ces pièces de monnaie. Suivez-le, les propos recueillis par Francine Deokubgayo. La Banque centrale voudrait tranquilliser la population en lui disant que la banque a un stock suffisant de pièces pour les dénominations de 50, de 10 et 5. Comme le stock est disponible, on va essayer de retravailler les circuits de distribution qui sont constitués par les banques commerciales et les microfinances pour qu'à leur tour, ils les mettent à disposition du public. En principe, quand la banque centrale émet une pièce ou un billet de banque, on dit qu'ils ont le coût légal et valeur libératoire. Ceci a pour conséquence que ces pièces ou ces billets de banque doivent être acceptés par la population pour la valeur qui est inscrite sur ces billets ou ces pièces de monnaie. Nous avons constaté que dès qu'ils reçoivent des pièces, ils les stockent à la maison. Et en les stockant à la maison, on les retire de la circulation. Et nous voudrions rappeler à la population que les pièces de monnaie ont une valeur libératoire. Ils peuvent acheter des choses avec, c'était donc les pièces. Et qu'en les gardant à la maison, ils les retirent de la circulation et se privent d'acheter des biens avec. Nous demanderons également aux commerçants de les accepter. Parce que là, si on voit que l'acceptabilité des pièces n'est pas traduite en réalité, on sera obligé, dans un premier temps, de faire une sensibilisation, mais après, on pourra passer à l'étape de sanction. Voilà, continuons ce journal. La Direction générale de la police de protection civile et plateforme de prévention des risques et gestion des catastrophes reconnaît les catastrophes que connaît le pays. Ces dernières heures, Antoine Nemako, directeur de cette direction policière, indique que le rassemblement des dégâts est en cours, mais qui sont confrontés au manque de moyens et demande au gouvernement de rendre disponibles ces moyens via la loi budgétaire. On l'écoute au micro d'Elini Bel Nibikir. Ces derniers temps, depuis les derniers trimestres de 2017, on a vu dans le pays des catastrophes liées au changement climatique. Des pluies diluviennes accompagnées de vents violents qui ont fait qu'il y a eu des destructions des maisons, des infrastructures et également des champs qui ont été inondés et abîmés. Mais ce n'est pas partout. Il y a eu des pluies diluviennes dans quelques provinces du pays comme Cibitoke, Cankuzo, Karusi, Bujumbura, Irara et ailleurs. Il y a eu des destructions et des champs inondés. Là, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on est en train d'évaluer, faire une évaluation rapide dans un premier temps pour qu'on puisse avoir les données sur lesquelles on peut travailler. Quelles données on devrait présenter à notre hiérarchie et aux partenaires pour qu'on puisse apporter une réponse. Et vous savez, quand il y a des catastrophes du genre, tous les secteurs sont touchés. À notre hiérarchie, c'est là où j'adresserai peut-être ma requête. Il faut que quand même on puisse intégrer ce volet réduction des risques de catastrophe dans les prévisions budgétaires. Le préalable est qu'il faut d'abord qu'on ait une loi qui, malheureusement, jusqu'à nouvel ordre, on n'a pas encore vu le jour. À la population, face au changement climatique, il n'y a pas tellement à faire. On est démunis. Mais au niveau de la préparation, quand même, il faut qu'on pense à ce que chacun sache qu'il a un rôle à jouer dans la protection de l'environnement. Radio Isanganiro Chronique. Plus